Elle semblait l'aguicher et lui sourire de toutes ses dents, puis en manière d'avance fit un pas vers lui. Nakunore se rapprocha, mais en se tenant encore sur ses gardes, la tête dressée, les oreilles et la queue droite. Quand il l'eut jointe, il essaya de frotter son nez contre le sien, mais elle se détourna avec froideur et fit un pas en arrière. Elle répéta plusieurs fois sa manœuvre, comme pour l'entraîner loin de ses compagnons humains. À un moment, on eût dit qu'une vague conscience du sort qui l'attendait flottait dans sa cervelle de chien. Nakunore, s'étant retournée, regarda derrière lui ses deux camarades de trait, le traîneau renversé et les deux hommes qui l'appelaient. Mais la louve, lui ayant tendu son nez pour qu'il s'y frottât, il en oublia aussitôt toute autre idée et se reprit à la suivre au bout de quelques minutes dans un prudent et nouveau recul qu'elle effectua. Pendant ce temps, Bill avait songé au fusil, mais celui-ci était pris sous le traîneau, et quand, avec l'aide d'Henri, il eut mis la main dessus, le chien et la louve étaient trop éloignés de lui, trop près aussi l'un de l'autre pour qu'il pût tirer. Nakunore reconnut son erreur trop tard. Les deux hommes le virent qui revenait vers eux à fond de train. Mais déjà une douzaine de loups maigres fonçaient à angle droit sur le chien, bondissaient dans la neige afin de lui couper la retraite. De son côté, la louve avait cessé ses grâces et s'était jetée sur lui avec un grognement rauque. Il l'avait bousculée d'un coup d'épaule et elle s'était jointe aux autres poursuivants. Elle le talonnait de près. « Où vas-tu ? » cria Henri en posant sa main sur le bras de Bill. Bill se dégagea d'un mouvement brusque. « Je ne puis supporter ce qui se passe. Il ne doit plus avoir aucun de nos chiens si je puis l'empêcher. » Le fusil au poing, il s'enfonça dans les taillis qui bordaient le sentier. « Attention, Bill !» lui jeta Henri une dernière fois. « Sois prudent !» Assis sur le traîneau, Henri vit disparaître son compagnon. Nakunore avait quitté la piste et tenté de rejoindre le traîneau en décrivant un grand cercle. Henri l'apercevait par instants, détalant à travers des sapins clairsemés et s'efforçant de gagner les loups de vitesse, tandis que Bill allait essayer, sans nul doute, d'enrayer la poursuite. Mais la partie était perdue d'avance, d'autant que de nouveaux loups sortaient de partout pour se joindre à la chasse. Tout à coup, Henri entendit un coup de fusil, puis deux autres succédaient rapidement au premier, et il sut que la provision de cartouches de Bill était finie. Il y eut un grand bruit, des grondements et des cris. Henri reconnut la voix du chien qui gémissait et hurlait. Un cri de loup lui annonça qu'un des animaux avait été atteint, et ce fut tout. Gémissements et grognements moururent, et le silence retomba sur le paysage solitaire. Henri demeura longtemps assis sur le traîneau. Il n'avait pas besoin d'aller voir ce qui était advenu. Cela, il le savait, comme s'il en eût été spectateur. Pourtant, à un moment, il se dressa en tressaillant et avec une hâte fébrile chercha la hache qui était parmi les bagages. Puis, en songeant longuement, il se rassit en compagnie des deux chiens qui lui restaient, et qui, couché et tremblant, demeurait à ses pieds. En proie à une immense faiblesse, comme si toute force de résistance s'était anéantie en lui, il finit par se lever et se mit en devoir d'atteler les chiens au traîneau, qu'il tira lui-même de concert avec les deux bêtes, après avoir passé un harnais d'homme sur son épaule. L'étape fut courte. Dès que le jour commença à baisser, Henri se hâta d'organiser le campement. Il donna aux chiens leur nourriture, fit cuire et mangea son dîner, puis dressa son lit près du feu. Mais il n'avait pas encore fermé les yeux qu'il vit les loups arriver et cette fois s'avancer tellement près qu'il n'avait pas à songer même à dormir. Ils étaient là autour de lui, si peu loin qu'il pouvait les regarder comme en plein jour, couchés ou assis autour du foyer, rampant sur leur ventre, tantôt avançant et tantôt reculant. Cependant, certains d'entre eux dormaient, couchés en rond dans la neige, comme des chiens. Il ne cessa pas un seul instant d'aviver la flamme, car il savait qu'elle était le seul obstacle entre sa chair et leur croc. Les deux chiens se pressaient contre lui, implorant sa protection. De temps à autre, le cercle des loups s'agitait. Ceux qui étaient couchés se relevaient et tous hurlaient en chœur. Puis ils se recouchaient ou s'asseyaient, le cercle se reformant plus près. Cependant, à force d'avancer d'un pouce puis d'un autre pouce, un instant arriva où les loups le touchaient presque. Alors, il prit des brandons enflammés et commença à les jeter dans le tas de ses ennemis. D'un saut hâtif accompagné de cris de colère et de grognements peureux, ceux-ci bondissaient en arrière quand une branche bien lancée atteignait l'un d'eux. Le matin trouva l'homme hagard et brisé, les yeux dilatés par le manque de sommeil. Il cuisina et absorba son déjeuner. Puis, quand la lumière eut dispersé la troupe des loups, il s'occupa de mettre à exécution un projet qu'il avait médité durant les longues heures de la nuit. Ayant abattu à coups de hache de jeunes sapins, il en fit, en les liant en croix, les traverses d'un échafaudage assez élevé, dont quatre autres grands sapins restés debout formèrent les montants. Se servant ensuite des courroies du traîneau comme de cordes et les chiens tirant avec lui, il hissa au sommet de l'échafaudage le cercueil qu'il avait convoyé. « Ils ont eu bile, » dit-il en s'adressant au corps du mort quand celui-ci fut installé dans sa sépulture aérienne. « Et ils mourront peut-être. Mais toi, jeune homme, ils ne t'auront pas. » Le traîneau filait maintenant derrière les chiens qui haletaient d'enthousiasme car ils savaient que pour eux le salut était dans le chenil du fort Magret. Mais les loups n'avaient pas été loin et c'est ouvertement qu'ils avaient désormais repris leur poursuite. Ils trottinaient tranquillement derrière le traîneau ou rangés en file parallèle, leurs langues rouges pendantes, leurs flancs maigres ondulant sur leurs côtes qui se dessinaient à chacun de leurs mouvements. Henri ne pouvait s'empêcher d'admirer qu'ils fussent encore capables de se tenir sur leurs pattes sans s'effondrer sur la neige. À midi, vers le sud, ce ne fut pas seulement un reflet du soleil qui apparut, mais l'astre lui-même. Pâle et doré, sa partie supérieure émergea de l'horizon. Henri vit là un heureux présage. Le soleil était revenu et les jours allaient grandir. Mais sa joie fut de courte durée. Presque aussitôt, la lumière se remit à baisser et il s'occupa sans plus tarder de s'organiser pour la nuit. Les quelques heures de clarté grisâtre et de terne crépuscule qu'il avait encore devant lui furent utilisées à couper pour le foyer une quantité de bois considérable. Avec la nuit, la terreur revint à son comble. Le besoin de sommeil, pire que la peur des loups, tenaillait Henri. Il s'endormit malgré lui, accroupi près du feu, les couvertures sur ses épaules, sa hache entre ses genoux, un chien à sa droite, un chien à sa gauche. Dans cet état de demi-veille où il se trouvait, il apercevait la troupe entière qui le contemplait comme un repas retardé mais certain. Il lui semblait voir une bande d'enfants réunis autour d'une table servie, attendant qu'on leur permît de commencer à manger. Puis, comme machinalement, ses yeux retombaient sur lui-même et il examinait son corps avec une attention bizarre qui ne lui était pas habituelle. Il tâtait ses muscles et les faisait jouer, s'intéressant prodigieusement à leurs mécanismes. À la lueur du foyer, il ouvrait, étendait ou refermait les phalanges de ses doigts, émerveillé de l'obéissance et de la souplesse de sa main qui, avec rudesse ou douceur, trépidait à sa volonté jusqu'au bout des ongles. Et comme fasciné, il se prenait d'un incommensurable amour pour ce corps admirable auquel il n'avait jamais prêté attention jusque-là. D'une tendresse infinie pour cette chair vivante, destinée bientôt à repaître des brutes, à être mise en lambeaux. Qu'était-il désormais ? Un simple mets pour des crocs affamés, une subsistance pour d'autres estomacs, l'égal des élans et des lièvres dont il avait tant de fois lui-même fait son dîner. À quelques pieds devant lui, la louve aux reflets rouges était assise dans la neige et le regardait, pensive. Leurs regards se croisèrent. Il comprit sans peine qu'elle se délectait de lui par anticipation. Sa gueule s'ouvrait avec gourmandise, découvrant les crocs blancs jusqu'à leurs racines. La salive lui découlait des lèvres et elle se pourléchait de la langue. Un spasme d'épouvante secoua Henri. Il fit un geste brusque, se saisit d'un brandon et le lança à la louve. Mais celle-ci s'éclipsa non moins rapidement. Alors il se remit à contempler sa main avec adoration, à examiner l'un après l'autre tous ses doigts, et comme il s'adaptait avec perfection aux rugosités de la branche qu'il brandissait. Puis, comme son petit doigt courait le risque de se brûler, il le replia délicatement un peu en arrière de la flamme. La nuit s'écoula cependant sans accident, et le matin parut. Pour la première fois, la lumière du jour ne dispersa pas les loups. Vainement, l'homme attendit leur départ. Ils demeurèrent en cercle autour de lui et de son feu, avec une insolence qui brisa son courage revenu avec la clarté naissante. Il tenta cependant un effort surhumain pour se remettre en route. Mais à peine avait-il replacé son traîneau sur le sentier et s'était-il écarté de quelques pas de la protection du feu, qu'un loup, plus hardi que les autres, s'élança vers lui. La bête avait mal calculé son élan, son saut fut trop court. Ses dents, en claquant, se refermèrent sur le vide, tandis qu'Henri, pour se préserver, faisait un bond de côté. Puis, reculant vers le feu, il fit pleuvoir une mitraille de brandon sur les autres loups, qui, excité par l'exemple, s'était dressé et s'apprêtait déjà à se jeter sur lui. Il demeura assiégé toute la journée. Comme son bois menaçait de s'épuiser, il étendit progressivement le foyer vers un énorme sapin mort qui s'élevait à peu de distance et qu'il atteignit de la sorte. Il abattit l'arbre et passa le reste du jour à préparer branches et fagots. La nuit revint aussi angoissante que la précédente, avec cette aggravation que le besoin de dormir devenait pour l'homme de plus en plus insurmontable. Henri, dans sa somnolence, vit la louve s'approcher de lui, à ce point qu'il n'eut qu'à saisir un brandon allumé pour le lui planter d'un geste mécanique en plein dans la gueule. En un brusque ressaut, la louve hurla de douleur. Il sentit l'odeur de la chair brûlée et regarda la bête secouer sa tête avec fureur. Puis de crainte de s'abandonner trop profondément au sommeil, Henri attacha à sa main droite un tison de sapin afin que la brûlure de la flamme le réveillât lorsque la branche serait consumée. Il recommença plusieurs fois l'opération. Chaque fois que la flamme, en l'atteignant, le faisait sursauter, il en profitait pour recharger le feu et envoyait au loup une pluie de brandons incandescents qui les tenait momentanément en respect. Un moment vint pourtant où la branche mal liée se détacha de sa main sans qu'il s'en aperçût, et s'étant endormi, il rêva. Il lui sembla qu'il se trouvait dans le fort Magri. L'endroit était chaud, confortable, et il jouait avec l'agent de la factorerie. Le fort était assiégé par les loups qui hurlaient à la grille d'entrée. Lui et son partenaire s'arrêtaient de jouer par instant pour écouter les loups et rire de leurs efforts inutiles. Mais un craquement se produisit soudain. La porte avait cédé et les loups envahissaient la maison, fonçant droit sur lui et sur l'agent, en redoublant de hurlements tellement qu'il en avait la tête comme brisée. À ce moment, il s'éveilla, et la réalité fit suite au rêve. Les loups hurlants étaient sur lui. Déjà l'un d'eux avait refermé ses crocs sur son bras. D'un mouvement instinctif, Henri sauta dans le feu et le loup lâcha prise, non sans laisser dans la chair une large déchirure. Alors commença une bataille de flammes. ses épaisses moufles protégeant ses mains, Henri ramassait les charbons ardents à pleine poignée et les jetait en l'air dans toutes les directions. Le campement n'était qu'un volcan en éruption. Henri sentait son visage se tuméfier, ses sourcils et ses cils griller, et la chaleur qu'il éprouvait aux pieds devenait intolérable. Un brandon dans chaque main, il se risqua à faire quelques pas en avant. Les loups avaient reculé. Il leur lança ses deux brandons, trépigna dans la neige pour se refroidir les pieds, puis en frotta ses moufles carbonisées. Il ne restait plus trace des deux chiens. Ils avaient continué à alimenter le repas inauguré par les loups il y avait plusieurs jours avec boules de suif. Vraisemblablement, ils subiraient sous peu le même sort. « Vous ne m'avez pas encore » cria-t-il d'une voix sauvage aux bêtes affamées qui lui répondirent par une agitation générale et des grognements répétés. Mettant à exécution un nouveau plan de défense, il forma un cercle avec une série de fagots alignés à la file qu'il alluma. Puis il s'installa au centre de ce rempart de feu, se coucha sur une épaisseur de branchage afin de se préserver de l'humidité glaciale et de la neige fondante que liquéfiait sur le sol la chaleur du brasier, et demeura immobile. Ne le voyant plus, les loups vinrent s'assurer à travers le rideau de flammes que leur proie était toujours là. Rassurés, ils reprirent leur attente patiente, se chauffant au feu bienfaisant, en s'étirant les membres et en clignotant béatement des yeux. La louve s'assit sur son derrière, pointa le nez vers une étoile et commença un long hurlement. Un à un, les autres loups l'imitèrent et la troupe entière sur son derrière, le nez vers le ciel, hurla à la fin. L'aube vint, puis le jour. La flamme brûlait plus bas, la provision de bois était épuisée et il allait falloir la renouveler. Henri tenta de franchir le cercle ardent qui le protégeait, mais les loups surgirent aussitôt devant lui. Pour les écarter, il leur lança quelques brandons qu'ils se contentèrent d'éviter sans être autrement effrayés. Il dut renoncer au combat. Vacillant, l'homme s'assit sur son espèce de matelas et ses couvertures. Il laissa tomber sa poitrine sur ses genoux comme si son corps eût été cassé en deux. Sa tête pendait vers le sol. C'était l'abandon de la lutte. De temps à autre, il relevait légèrement la tête pour observer l'extinction progressive du feu. Le cercle de flammes et de braises se sectionnait par segments qui diminuaient d'étendue et entre lesquels s'élargissaient des brèches. « Je crois, murmura-t-il, que bientôt vous pourrez venir et m'avoir. Qu'importe à présent, je vais dormir. » Une fois encore, il entr'ouvrit les yeux et ce fut pour voir la louve qui le regardait par une des brèches. Combien de temps dormit-il ? Il n'aurait su le dire. Mais lorsqu'il s'éveilla, il lui parut qu'un changement mystérieux s'était produit autour de lui, un changement à ce point étrange et inattendu que son réveil en fut brusqué sur le champ. Il ne comprit point d'abord ce qui s'était passé. Puis il découvrit ceci. Les loups étaient partis. Seul le piétinement pressé de leurs pattes imprimées sur la neige lui rappelait le nombre et l'acharnement de ses ennemis. Mais le sommeil redevenant le plus fort, il laissa retomber sa tête sur ses genoux. Mêlé au bruit de traîneaux qui s'avançaient, à des craquements de harnais, à des halètements époumonés de chiens de trait, ce furent cette fois des cris d'hommes qui le réveillèrent. Quatre traîneaux, quittant le lit glacé de la rivière, venaient en effet vers lui à travers les sapins. Une demi-douzaine d'hommes l'entouraient quelques instants après. Accroupi au milieu de son cercle de feu qui se mourait, il les regarda comme hébétés et balbutia. Les mâchoires encore empâtées.

La louve acheva d'apprendre à son compagnon ce qu'étaient les pièges des hommes et la meilleure méthode à employer pour s'approprier ce qui s'y était pris. La tanière. Pendant 2 jours encore, ils demeurèrent dans les parages du camp indien. Un œil toujours craintif et apeuré, la louve comme fascinée au contraire par l'attirance du camp. Mais un matin, un coup de fusil ayant claqué soudain auprès d'eux, et une balle étant venue s'aplatir contre le pied d'un arbre à quelques pouces de la tête du vieux loup, le couple détala de compagnie et mit vivement quelques milles entre sa sécurité et le danger. Après avoir couru 2 jours durant, ils s'arrêtèrent. La louve s'alourdissait et ralentissait son allure. Une fois, en chassant un lièvre, elle qui d'ordinaire l'eût joint facilement, dut abandonner la poursuite et se coucher sur le sol pour se reposer. Un œil vint à elle et de son nez lui toucha gentiment le cou. En guise de remerciement, elle le mordit avec une telle férocité qu'il en culbuta en arrière et y demeura tout estomaqué en une pose ridicule. Son caractère devenait de plus en plus mauvais tandis que le vieux loup se faisait plus patient et plus plein de sollicitude. Et plus impérieux aussi devenait pour elle le besoin de trouver sans tarder la chose qu'elle cherchait. Elle la découvrit enfin. C'était à quelques 1000 pieds au-dessus d'un petit cours d'eau qui se jetait dans le Mackenzie, mais qui à cette époque de l'année était gelé dessus, gelé dessous, et ne formait jusqu'à son lit de roc qu'un seul bloc de glace. Rivière blanche et morte de sa source à son embouchure. Distancée sans cesse par son compagnon, la louve trottait à petits pas quand elle parvint sur la haute falaise d'argile qui dominait le cours d'eau. L'usure des tempêtes à l'époque du printemps et la neige fondante avaient de part en part érodé la falaise et produit à une certaine place une étroite fissure. La louve s'arrêta, examina le terrain tout alentour avec soin. Puis zigzagant de droite et de gauche, elle descendit jusqu'à la base de la falaise, là où sa masse abrupte émergeait de la ligne inférieure du paysage. Cela fait, elle remonta vers la fissure et s'y engagea. Elle fut forcée de ramper sur une longueur de 3 pieds, mais au-delà des les parois s'élevaient et s'élargissaient de 6 pieds de diamètre. C'était sec et confortable. Elle inspecta minutieusement les lieux, tandis que le vieux loup, l'ayant rejointe, demeurait à l'entrée du couloir et attendait avec patience. Elle baissa le nez vers le sol et tourna en rond plusieurs fois sur elle-même. Puis elle rapprocha l'extrémité de ses 4 pattes et, détendant ses muscles, se laissa tomber par terre avec un soupir fatigué qui était presque un gémissement. Un œil, les oreilles pointées, l'observait maintenant avec intérêt, et la louve pouvait voir découper sur la claire lumière le panache de sa queue qui allait et venait joyeusement. Dressant ses oreilles en fine pointe, elle aussi les mouvait en avant puis en arrière, tandis que sa gueule s'ouvrait béatement et que sa langue pendait avec abandon. Et cette manière d'être exprimait qu'elle était contente et satisfaite. N'ayant point été invité à y pénétrer, le vieux loup continuait à se tenir à l'entrée de la caverne. Il se coucha sur le sol et vainement essaya de dormir. Tout d'abord, il avait faim. Puis, son attention était attirée par le renouveau du monde au brillant soleil d'avril qui resplendissait sur la neige. S'il somnolait, il percevait vaguement des coulées d'eau murmurantes et, soulevant la tête, il se plaisait à les écouter. En cette belle fin de journée, le soleil s'inclinait sur l'horizon et toute la terre du Nord, enfin réveillée, semblait l'appeler. La nature renaissait. Partout passaient dans l'air les fluves du printemps. On sentait la vie croître sous la neige et la sève monter dans les arbres. Les bourgeons brisaient les prisons de l'hiver. Un œil invita du regard sa compagne à venir le rejoindre. Mais elle ne manifestait aucun désir de se lever. Une demi-douzaine d'oiseaux de la neige traversèrent le ciel devant lui. Il en éprouva un frémissement. L'instant était bon pour se mettre en chasse. De nouveau, il regarda la louve qui n'en eut cure. Il se recoucha désappointé et essaya encore de dormir. Un petit bourdonnement métallique frôla ses oreilles et vint s'arrêter à l'extrémité de son nez. Une fois, deux fois, il passa la patte sur son nez, puis s'éveilla tout à fait. C'était un unique moustique, un moustique adulte qui avait traversé l'hiver, engourdi au creux de quelques vieilles souches, et qui avait dégelé le soleil. Un œil ne put résister plus longtemps à l'appel de la nature, d'autant que sa faim allait croissant. Il rampa vers la louve et essaya de la décider à sortir. Elle refusa en grondant vers lui. Alors il partit seul dans la radieuse lumière sur la neige molle, douce au pas, mais qui entravait sa marche. Il traversa plus facilement le lit glacé du torrent où la neige, protégée des rayons du soleil par l'ombre des grands sapins qui le bordaient, était restée dure et cristalline. Puis il retomba dans la neige fondante où il pataugea pendant plusieurs heures et ne revint à la caverne qu'au milieu de la nuit, plus affamé qu'il ne l'était en partant. Il n'avait pu atteindre le gibier qu'il avait rencontré. Et tandis qu'il s'enlisait, les lièvres légers, bottés de neige, s'étaient éclipsés prestement. Il s'arrêta à l'orée du couloir d'entrée de la tanière, surpris d'entendre venir jusqu'à lui des sons faibles et singuliers qui, certainement, n'étaient pas émis par la louve. Il lui semblait suspect, quoiqu'il ne pût dire qu'il lui était totalement inconnu. Avec précaution, il avança en rampant sur le ventre. Mais comme il débouchait dans la caverne, la louve lui signifia par un énergique grognement d'avoir à se tenir à distance. Il obéit, intéressé au suprême degré, par les petits cris qu'il entendait, auxquels se mêlaient comme des ronflements et des gémissements étouffés. S'étant roulé en boule, il dormit jusqu'au matin. Dans le clair-obscur de la tanière, il aperçut alors entre les pattes de la louve et pressé tout le long de son ventre 5 petits paquets vivants, informes et débiles, vagissants et dont les yeux étaient encore fermés à la lumière. Quoique ce spectacle ne lui fût pas nouveau dans sa longue carrière, ce n'en était pas moins chaque fois pour le vieux loup un nouvel étonnement. La louve le regardait avec inquiétude et ne perdait de vue aucun de ses mouvements. Elle grondait sourdement à tout moment, haussant le ton dès qu'il faisait mine d'avancer. Bien que pareille aventure ne lui fût jamais advenue, son instinct, qui était fait de la mémoire commune de toutes les mères loups et de leurs successives expériences, lui avait enseigné qu'il y avait des pères loups qui se repaissaient de leur impuissante progéniture et dévoraient leur nouveau-né. C'est pourquoi elle interdisait à un œil d'examiner de trop près les louveteaux. À l'instinct ancestral de la mère loup en correspondait un autre chez le vieux loup qui était commun à tous les pères loups. C'était qu'il devait, incontinent et sans se fâcher, tourner le dos à sa jeune famille et aller quérir là où il le fallait la chair nécessaire à sa propre subsistance et à celle de sa compagne. Il trotta jusqu'à 5 ou 6 milles de la tanière sans rien rencontrer. Là, le torrent se divisait en plusieurs branches qui remontaient vers la montagne. Il tomba sur une trace fraîche, la flaira, et l'ayant trouvée tout à fait récente, il la suivit aussitôt, s'attendant à voir paraître d'un instant à l'autre l'animal qu'il avait laissé. Mais il observa bientôt que les pattes étaient marquées de beaucoup plus larges que les siennes. Et il estima qu'il ne tirerait rien de bon du conflit. Un demi-mille plus loin, un bruit de dents qui rongeait parvint à l'ouïe fine de ses oreilles. Il avança et découvrit un porc-épic debout contre un arbre et faisant sa mâchoire sur l'écorce. Un œil approcha avec prudence, mais sans grand espoir. Il connaissait ce genre d'animaux, quoiqu'il n'en eût pas encore rencontré de spécimens. Si haut dans le nord, et jamais au cours de sa vie un porc-épic ne lui avait servi de nourriture. Cependant, il savait aussi que la chance et l'opportunité du moment jouent leur rôle dans l'existence. Personne ne peut dire exactement ce qui doit arriver,